meurtrice, mais l'amour, et puis donner la vie, enfant de tout pays. Enfant de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Alors ben, la programmation d'aujourd'hui comprend du zouk antillais, ben oui, vous l'avez deviné, un voyage musical à Madagascar, trois coups de chapeau à Yves Jamais et une promenade en chanson autour du mot « fruit ». Voilà, place au zouk. Originaire de Guadeloupe et très jeune, Angie s'est passionnée pour le chant. Elle fit ses débuts professionnels en 1990. Depuis, elle tourne beaucoup en France avec des orchestres de variété et se produit également dans les piano-bars. Elle aime et interprète différents styles de musique, variété française, variété internationale, jazz, c'est ma préférée pour le zouk, avec sincérité, Angie. Thank you. premier coup de chapeau à Yves Jamais. Yves Jamais, oh, vous savez, c'est ce chanteur à casquette, et oui, quoi qu'il le met, peut-être plus maintenant. Yves Jamais est né à Dijon en 1961. Auteur, compositeur, interprète, il est arrivé sous les feux des projecteurs sur le tard. D'abord cuisinier, puis manœuvre dans les travaux publics, animalier en laboratoire pharmaceutique et infographiste. C'est finalement en 2003 qu'il sort son premier album avec le trio de Vert en Vert. Oh, ça, il faut que je vous l'épelle. 2DE, Vert, VE, 2R, ES, des verres pour boire, en vert, versification. En mars 2006, il fait à Dijon son premier zénith qui sera suivi du Casino de Paris et de l'Olympia. Dijon, Yves Jamais. Pour avoir foulé ton pavé, usé mes semelles sur tes trottoirs, je te connais du bout du pied, du bout du cœur, du bout du regard. Depuis le temps que je circule, que je coule dans tes artères, cellule parmi tes cellules, c'est ton cœur qui me régénère. Pour ces heures passées dans tes nuits, ma pudique bourgeoise, ou pour me faire le don d'un lit, tu fus plus que courtoise. Je te salue, ma belle Dijon, ô maîtresse burgonde. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde je n'aurais voulu naître. Bien sûr, tu as exacerbé mes aigreurs de jeunesse, mais tu es longue à décoincer, à te bouger les fesses. Aussi, j'ai voulu te quitter pour une autre plus littorale, bien que la fille fût décelée, me manquait mon canard. Et vois-tu, je suis revenu, ma précieuse bourgeoise, et je ne te quitterai jamais plus pour une plus grivoise. Je te salue, ma belle Dijon, ô maîtresse burgonde. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde je n'aurais voulu naître. Te croyais pudibonde, tu arrosis, ce n'est pas sage. Voilà que tu te dévergondes quand moi je passe l'âge. Je vais vieillir encore un peu et cultiver nos différences au creux de ton cou capiteux jusqu'au dernier silence. J'ai encore quelques heures dans tes nuits à passer ma bourgeoise. Et pour me faire le don d'un lit, tu seras toujours courtoise. Je te salue, ma belle Dijon, ô maîtresse burgonde. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde je n'aurais voulu naître. te salue, ma belle Dijon, aux maîtresses Burgon. Je te salue, ma vieille Dijon, et nulle part au monde. Je n'aurai qu'une lettre. Madagascar, c'est une grande île de l'océan Indien que le canal de Mozambique sépare du continent africain. C'est la cinquième plus grande île du monde pour une superficie voisine de celle de la France. 26 millions d'habitants, et puis Madagascar est entouré d'autres îles ou archipels, dont l'île Maurice, les Seychelles, Mayotte, les Comores et La Réunion. Les principales villes malgaches sont... Ah, attention, là il faut que je fasse gaffe. Alors on y va. Antananarivo. Oui, je l'ai bien dit. 1 500 000 habitants. Antsirabe, 200 000 habitants. Antsiranana, 100 000 habitants. Là, je l'ai bien dit. Rebika Mirarisoa. Tia tia mirari sunyamna ratu timet timet faru firu kena jawane fatia faka

Deuxième coup de chapeau à Yves Jamais, son quatrième album, produit par sa propre structure Par Hasard Productions, sort en 2011, remarqué notamment par une réalisation beaucoup plus rock. L'album inclut un duo avec Zaz et débouche alors sur une tournée 2012-2013 qui passe, entre autres, par le Grand Rex, où il rencontre un énorme succès, la radio qui chante, Zaz et Yves Jamais. Elle regarde son réveil, lui a perdu le sommeil, elle a son boulot, lui pas trop. Elle sort doucement du lit, s'accroche à sa nuit, exhalant de sueur. Elle de fleurs, elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, gamin trop vieux. Elle s'en va courir dehors, lui surpris respire encore, elle a plein poumon, lui goudron. Elle prend sa vie à peine main, lui la remet à demain. Qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, d'artifice encore, de gamin trop vieux. Elle pense que la vie est belle, lui la trouve trop réelle, bien trop prosaïque, trop cynique. S'il prend bien trop ses distances, elle vit les autres comme une chance, lui comme cadeau. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle pense que la vie est belle, belle, belle, lui pas trop. Elle pense que la vie est belle, elle, belle, belle, entrera seule chez elle, lui dans sa vie qui chancelle. Peu de chance pour qu'une histoire commence. Elle continuera donc seule, lui fera toujours la gueule. C'est... histoire d'amour, ça se passera pas comme au cinéma. Parce que elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Le commentaire de tous les dangers pour l'animateur qui a du mal à lire les mots un peu compliqués. Enfin, on va s'y risquer. Madagascar abrite des milliers d'espèces d'animaux emblématiques comme les lémuriens, ainsi que de grandes forêts tropicales, des plages et des récifs. À proximité de l'effervescente capitale Antananarivo, là je l'ai bien dit, hein, se trouve la colline d'Amboimanga, un ensemble de palais royaux et de cimetières, ainsi que l'avenue des Baobabs, une route bordée d'arbres géants, vieux de plusieurs siècles, pour ne pas dire plus. Le parc de Ranom Afana abrite le lémurien bambou doré, en voie de disparition, qui se nourrit de pousses de bambou, et comme tout le monde le sait, les pousses de bambou contiennent des doses de cyanure. Eh bien, ces pousses de bambou avec du cyanure n'ont aucun effet sur cet animal. Eh oui. Le parc national de Mazoala, avec l'Aï Laï, le plus grand des primates nocturnes du monde, la colline royale d'Amboimanga, le lieu le plus sacré du pays, un village historique, avec son palais construit en mortier de chaux et de blanc d'œuf. Ifati, oh, un village de pêcheurs idéal pour la plongée ou la pêche grâce à la formation des 100 km de barrières naturelles de récifs coralliens. Nosy Be, élue la plus belle île touristique de l'Afrique. Et puis la réserve Tsingy, de Bemahara, qui héberge le fameux Sikafa, grand lémurien, remarquable par sa fourrure blanche et son visage noir. Le parc national d'Isalo et ses variétés de reliefs, des zones de prairies et des canyons escarpés par la formation de grès, le tout parsemé de piscines naturelles bordées de palmiers. Et puis il y a l'île Sainte-Marie, la barrière naturelle de baies et de criques a attiré les pirates au XVIIe, XVIIIe siècle, et plusieurs épaves de bateaux de pirates sont encore visibles et peuvent en témoigner. Idéal pour la plongée en apnée, et à ne pas manquer également dans ce coin-là, la migration des baleines à bosse, visible à certaines périodes de l'année. Chanson malgache, Tsiki Tsiki, Iani. Tsungulu kizani, kratsi matanti, te arali nuya farani. Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki yani, yeni tsiki yani. Kena pifalina malina tena tina fukatsani. Fufalfali, lavachani, yeni lavachani. Kiani, Kisununu, Kelini, Fiainana. Tamba Nunei, de la Zaina Fabe Vanvani, Imbazina Nefa, de Amara Uponza Vecani. Vavana catena vilani, Nizi moreni, tena ullu na miavu nuzani. Ziki ziki ziki ziki ziki ziki yani, yen ziki yani. Fiena pifalina malina tena zina fukachani. Fufalfali, lavochani, yeni lavochani, kisununu. Nenzeya nanawe Simba nisi Venitsi mitsi neti natawe Nasenja nkina Eritjaretu somare nizanyo Etu amtsiki Tsiki yani nifyaina natanyo Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki yani Yeni tsiki yani Fiena pifalina malina tena zina mfukachani Fufalfali, lavochani, yeni lavochani Kisununu, kelini fiainana Kisununu, kelini fiainana Brigitte Boisjoli, c'est joli comme nom ça. Brigitte Boisjoli est une chanteuse québécoise née en 1983. Elle s'est fait connaître en participant à l'émission Star Academy en 2009 et une chanson de 2011 qui s'appelle également Fruit défendu, Brigitte Boisjoli. Thank you. troisième coup de chapeau à Yves Jamais. Oh, ce titre sonne comme une déclaration d'amour. Mon totem. L'idée de mon totem, c'est de dire si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que cela m'a mené à vous. C'est Yves Jamais qui déclare ça. Et puis Nietzsche disait « Il faut embrasser la vie telle qu'elle est, et la mélancolie, la tristesse et les coups durs en font partie. » Voilà, ça fait partie de la plénitude de la vie. J'ai fait cette chanson dans ce sens-là, mon totem Yves Jamais. J'ai souvent tutoyé la lune dans mes errances de fortune et laissé au hasard la plus belle part. On dit que l'avenir n'appartient pas à ceux qui se couchent le matin ou qui se lèvent tard. Foutu pour le fêtard, serais-je plus heureux aujourd'hui si je n'avais pas dans la vie laissé faire, laissé faire. Cette vie qui battait de l'aile aurait-elle été bien plus belle si je n'avais pas laissé le vent me porter. Mais j'ai suivi éperdument la belle mélopée, le touchant, suivi à perdre haleine tellement de sirènes qu'à laisser dériver le radeau, je me suis enfoncé dans les flots du mystère, du mystère. Se fait, qu'on soit d'accord ou pas, on s'y fait, ou bien on s'y fait pas. C'est selon, c'est comme ça. Même s'il fallait revivre encore les hauts le cœur, les hauts le corps qui secouent les amours, l'éternel retour, et laisser le temps qui les malmène m'emporter si flottant sa rengaine délétère, délétère. De fortune et laisser au hasard la plus belle part. Serais-je plus heureux aujourd'hui si je n'avais pas dans la vie laissé faire, laissé faire tout, et je garderai tout. Et referai sans peine ce chemin tortueux qui me mène à nous. Je prends, je garde tout, les regrets et les peines, les silences et les bleus sans problème pour tout. Oui, je garderai tout. Allez, on va aller casser la croûte à Madagascar. Le repas typique malgache se compose généralement d'une grosse assiette de riz. Alors, riz seul, ou comme le roma zava, accompagné d'un bouillon parfumé à base de viande de zébu et de bread. Un autre plat national est le ravitoto, ragoût de viande, de porc mijoté avec des feuilles de manioc pilées. Beaucoup de produits de la mer, bien sûr, avec le tilapia, l'anguille, l'écrevisse, le thon, la dorade, le capitaine, les crevettes, les camarons, ah ben ça sent de très grosses crevettes, des calamars, des crabes, des langoustes et des cigales de mer, et puis des préparations à base de vanille, nous sommes à Madagascar, avec poulet ou canard ou lait de coco, magret, confit de canard, tourne d'eau rossini, s'il vous plaît, et foie gras malgache. Grâce au climat tempéré, il y pousse une quantité incroyable de légumes et de fruits, bien sûr. Le betsa betsa est un jus de canne fermenté et aromatisé avec des écorces ou des jus de fruits sauvages. Et puis, n'oublions pas le vin de palme. Allez, musique malgache, Koike Orake. apparu pour la première fois en 1991 dans l'album Alice, ça glisse, la chanson Fruit de la passion, au ton grivois, a connu un immense succès aux Antilles, alors que les métropolitains ne le connaissaient pas encore. Et il a fallu attendre 1994, c'est-à-dire 3 ans, et la sortie de l'album Fruit de la passion, pour que la chanson soit découverte et aimée de tout le monde francophone et également en Amérique du Sud. Fruit de la passion, Francky Vincent. Il est pour nous un travail, pour pas vouloir lever ou amourer, en nous fait mal et l'idée. Paraît-il l'air matinal, un bon week-end qui est infernal, si on vit est fondamental. Marie Chantal, en cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni, car est ça qu'a transporté moi, en manière transport en commun. Quand il m'a l'élivé, attends, on s'est laissé aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Ramener de Madagascar. Oh, peut-être quelques enveloppes en papier fleuri d'Ambalavao, fabriquées artisanalement à base d'écorce d'avoa, suivant une technique héritée des Arabes. On pourra ramener également des articles brodés qu'on trouvera à Nosy Komba. Une écharpe en toit tissée à la main. Un objet en aluminium d'Ambato Lampi